Bonjour, je voudrais du Stroclémina perastodontalin. Du Stroclémina perastodontalin evatitroglycerumissux ou du bleu ? Bleu ? La santé, c'est compliqué. Découvrez Alan, l'assurance santé 100% digitale qui fait simple et vous rembourse en 72 heures seulement. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 2003, dans Cause commune, Brice Couturier rendait visite à Richard Kapuscinski à Varsovie. Journaliste écrivain légendaire, disparu en 2007, Kapuscinski était célèbre dans le monde entier, reconnu comme l'égal d'un Kessel ou d'un Albert Londres pour ses reportages en Afrique, ses livres sur le négus et le chat d'Iran. 3 ans après sa mort, en 2010, la statue de l'auteur de Négus, d'Ébène et d'Imperium a été un peu secouée par la parution de Kapuscinski, le vrai et le plus que vrai, une biographie signée Arthur Domoslavski, grand reporter de 35 ans son cadet et quelque peu son disciple. Ce livre, remettant en cause la rigueur journalistique d'un mythe et la nature de ses relations avec le régime communiste, suscita un grand émoi et de très vives querelles en Pologne. Alors que, selon son auteur même, les ouvrages de Kapuscinski, finalement bien peu compromis, conservaient pour autant tout leur génie. S'il est admis que Capu s'est souvent arrangé avec la vérité, il s'en trouve bien peu pour remettre en question la grandeur de l'œuvre de celui qui s'exprime ici, au micro de Brice Couturier. Le tenant d'un reportage littéraire, d'un nouveau journalisme écrit à la première personne, qui aura cru longtemps au communisme avant de rejoindre Solidarnosc, un écrivain qui affirmait que la meilleure voie à suivre pour faire du bon journalisme était d'abord celle de la poésie. Bonsoir, c'est Cause commune, l'émission de l'actualité politique, culturelle et intellectuelle en Europe, une émission de Brice Couturier et de Jacqueline Hénard. Bonsoir Brice. Bonsoir Jacqueline. Ce soir, Richard Kapuscinski, suite de nos grands entretiens. Richard Kapuscinski a été correspondant de presse, correspondant de l'agence polonaise PAP, en Afrique et en Amérique latine. Il a surtout développé le genre du récit de voyage en y mêlant ethnographie, journalisme à la première personne et réflexion politique. On lui doit bien des chefs-d'œuvre, je citerai par exemple, traduit en plus de 20 langues, « Le chat ou la démesure du pouvoir », sur l'Iran avant les Mollahs, ou également le Négus, tous deux réédités chez 10-18. Ses explorations des immensités post-soviétiques et des séquelles mentales laissées derrière lui par l'Empire qui s'était retiré, publiées sous le titre « Imperium », lui ont valu un immense succès dans le monde anglo-saxon. Chez nous en France, ses impressions d'Afrique humaniste et désenchantée qui ont été publiées chez Pocket sous le titre « Ébène » ont également rencontré un vif succès. Tout récemment, en juin, Plon a fait paraître en français « La guerre du foot » qui est aussi un livre magnifique. Richard Kapuscinski nous a reçus dans son pavillon de Varsovie. Je signale une excellente interview de Kapuscinski par Krzysztof Pomian dans le numéro 120 de la revue Le Débat, qui est le numéro de l'été dernier. Richard Kapuscinski, merci beaucoup de nous accueillir dans votre jolie petite maison de Filtrowa, le quartier résidentiel de Varsovie, un des quartiers résidentiels de Varsovie. C'est rempli chez vous de livres dans toutes les langues jusqu'au plafond. Et pourtant, vous n'êtes pas un universitaire, un intellectuel, vous êtes un reporter. Mais comme reporter, vous avez toujours travaillé d'une manière assez spécifique. Vous êtes de ceux qui évitent citer les grands hôtels où les correspondants de presse se rassemblent et parfois s'intoxiquent mutuellement, comme on le voit dans Scoop de Evelyn Vogue. Vous préférez marcher et vivre parmi les gens. Vous avez ainsi marché durant toute votre vie en tant que correspondant de presse, à travers le monde entier, en Union soviétique et en Afrique en particulier. Alors, quelles sont les réalités, quelles sont les sortes de réalités que cette démarche, cette marche à travers le monde, vous permet de voir que vos confrères, eux, ne voient pas? Przede wszystkim ja pracowałem jako dziennikarz w dwóch różnych... Avant tout, j'ai travaillé comme journaliste de deux manières différentes. Pierwsza to było, kiedy byłem korespondentem agencji prasowej. La première, lorsque j'étais correspondant dans une agence de presse. À l'époque, je travaillais comme tous les correspondants d'agences de presse, c'est-à-dire que j'envoyais quotidiennement des informations que j'essayais d'obtenir et de transmettre. Puisque je travaillais dans le tiers-monde, dans les pays du tiers-monde, je me suis vite rendu compte que cette forme brève des dépêches ne reflétait pas le monde que je voyais. Ja nie odzwierciedlam rzeczywistego świata, który widzę. Que la langue dont nous nous servons dans l'information, dans la dépêche, était une langue très pauvre, très superficielle, très formelle, et que le monde que je voyais était beaucoup plus riche, plus diversifié. Plein de toutes sortes de contradictions et de problèmes, et que je devais chercher un autre moyen de raconter ce monde. Et ceci m'a mené vers l'écriture de mes textes, de mes reportages. En fait, nous appelons cela le reportage littéraire. On l'appelle aussi le nouveau journalisme. Le nouveau journalisme, c'est une méthode d'écriture où nous prenons les faits authentiques, les personnes authentiques, les événements authentiques. Mais nous nous servons d'outils littéraires pour exprimer toute cette richesse et la profondeur de ce monde. Puisque la langue de l'information journalistique ne peut pas nous raconter les couleurs, les parfums, l'ambiance, ni la lumière, tout cela est impossible à raconter. Et pourtant, tout cela constitue l'image de la vie que nous côtoyons. Par conséquent, j'ai décidé d'écrire ce que l'on pourrait appeler la limite du descriptible, en utilisant tous les moyens littéraires qui nous permettent d'approcher la réalité en montrant sa richesse. Które nam pozwalają zbliżyć się do tego, żeby pokazać całe bogactwo. Mój problem powstał w momencie. Le problème s'est posé pour moi lorsque j'ai commencé à m'occuper du tiers monde. Ponieważ w Europie łatwiej znaleźć odpowiedniki, en effet, en Europe, il est facile de trouver des correspondants parce que l'Europe possède une civilisation commune. Natomiast tam się stykamy z zupełnie innym światem. I dla mnie był problem. En revanche, là-bas, nous sommes en contact avec un tout autre monde. Et ce fut un problème pour moi. Pourquoi suis-je parti dans le tiers-monde? Je suis allé dans les pays du tiers-monde parce que nous étions la moitié du XXe siècle et que le monde vivait un grand processus de décolonisation. Un énorme processus de changement d'identité pour toute notre planète. Autrefois, au début du XXe siècle, notre planète était composée d'un groupe de pays indépendants, en majorité européens. Et le reste du monde était dépendant d'une manière ou d'une autre. Au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, nous assistons donc à ce large processus de décolonisation. Un grand nombre de pays, d'États, de continents obtiennent l'indépendance et deviennent citoyens du monde, au moins de manière formelle. Et cela m'a tellement fasciné, ce réveil de l'homme nouveau, ce réveil des nouvelles sociétés, que j'ai considéré qu'il s'agissait d'un moment historique des plus intéressants, lorsque je commençais mon travail de journaliste. Je suis historien de formation, diplômé de la faculté d'histoire. À l'époque, j'avais le choix suivant, soit rester à l'université et continuer mon travail d'historien, m'occuper des archives, des documents, écrire des manuels d'histoire, soit aller regarder l'histoire en train de se faire, l'histoire dans la vie. Observer cette histoire vivante, comment elle est créée par les hommes et par les sociétés. Et ce fut tellement attrayant pour moi que j'ai voulu devenir l'historien de cette époque, de tout ce processus. Nous percevons souvent le XXe siècle comme un siècle de totalitarisme, siècle de guerre. Nous le percevons de manière très négative, comme le siècle du mal, des camps de concentration et des goulags. Mais pour de nombreux peuples du monde, ce même XXe siècle est un siècle de libération. Lors de ce XXe siècle, toute notre planète se façonne. Elle obtient l'indépendance politique. Autrement dit, c'est un fait unique dans l'histoire du monde. Un processus tel que la décolonisation de l'après-guerre ne s'est jamais produit avant dans le monde et ne se produira plus jamais. Et du point de vue professionnel, je suis un homme heureux, un homme qui s'est efforcé d'être en quelque sorte le chroniqueur de ce phénomène. C'est-à-dire montrer comment l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine ont obtenu ce nouveau statut d'une existence nouvelle et indépendante. Spécialement dans Imperium, Richard Kapuscinski, vous êtes revenu dans le Caucase et en Asie centrale que vous aviez parcouru toujours à pied donc dans les années 60. Et vous l'avez fait, cette nouvelle visite, vous l'avez effectué, cette nouvelle visite du Caucase et de l'Asie centrale au moment, au point culminant de l'URSS. Ce que vous écrivez, donc là, tout récemment, au début des années 90, ressemble, vous le dites, vous le notez, au processus de décolonisation tel que vous l'avez vécu en Afrique. Alors, quels sont les signes qui vous permettent de penser que l'ex-Union soviétique est en ce moment engagée dans un processus de décolonisation semblable à celui qu'ont connu les États africains dans les années 60 ? Tam mamy do czynienia z fenomenem takim, mamy do czynienia z właściwie upadek i... En réalité, la chute et le démantèlement du bloc soviétique est le dernier grand phénomène de ce processus de décolonisation du XXe siècle. Parce qu'avec la chute de l'Union soviétique se termine l'époque des grands empires. Des grands empires au sens formel. Les divers pays et les diverses populations de ce grand empire obtiennent aussi leur indépendance. Pour moi, il était très important de montrer ce processus, parce que c'est la conception même du monde qui est en train de changer. Elle change dans le sens où autrefois, au XIXe siècle, par exemple, la force d'un État se mesurait par la superficie de son territoire. Si un État possédait ou contrôlait des territoires immenses, il était considéré puissant. Le facteur d'espace et de territoire était considéré comme un facteur de force. Au XXe siècle, tout cela a changé. Quelquefois, nous avons affaire avec un État immense et qui est très faible, parce que le territoire a cessé d'être un facteur de force. C'est la force économique qui est devenue facteur de force. Par conséquent, la conception des empires, la conception des grandes colonies a tout à fait perdu de sa raison d'être. Et le dernier élément de ce processus à grande échelle fut justement la chute et la liquidation de l'Union soviétique. Je crois qu'il y a là une grande symbolique et une grande ouverture sur un nouvel ordre international qui a commencé à se former à partir de ce moment-là. Et nous demeurons toujours dans ce processus. C'est pourquoi nous devons nous rendre compte que nous sommes dans une période qui a commencé il y a 10 ans, parce que la guerre froide se termine et un nouvel ordre international est en train de se former, dont nous ne sommes pas encore en mesure de prévoir la nouvelle forme. że to jak się ułoży ta gra, jaki będzie ostateczny kształt i czy on w ogóle będzie kiedykolwiek ostateczny. C'est un processus planétaire global auquel participent tant d'acteurs que nous ignorons comment se déroulera ce jeu. Quelle sera sa forme définitive si elle est un jour définitive? N'entrons-nous pas dans une époque où le terme définitif n'existe plus? N'entrons-nous pas dans une époque d'un processus de transformation et d'adaptation permanente? Cela est d'autant plus probable que l'un des aspects de la mondialisation est justement l'énorme augmentation des facteurs et des acteurs qui participent à ce processus. Także myślę, że od nas wszystkich wymaga teraz widzenie świata, wymaga zupełnie nowego podejścia. Musimy spojrzeć na ten świat. Et je doute qu'il puisse jamais se stabiliser de manière durable. Je pense que notre perception du monde exige désormais une nouvelle attitude. Nous devons voir ce monde comme un organisme vivant qui ne connaîtra pas pendant longtemps, ou peut-être jamais, de calme total ni de stabilisation totale. Je suis venue à Vorkuta pour voir une grève, mais aussi pour effectuer un pèlerinage, car Vorkuta est un haut lieu du martyr, un sanctuaire. Dans les camps de Vorkuta ont péri des centaines de milliers d'hommes. Combien exactement? Personne ne pourra jamais le dire. Les premiers prisonniers furent emmenés ici en 1932. Les derniers furent libérés en 1959. La plupart sont morts en construisant la ligne de chemin de fer qui aujourd'hui charrie le charbon d'ici à Ankergelch, Mourmansk et Saint-Pétersbourg. C'est à l'occasion de ce chantier qu'un officier du NKVD aurait dit « Nous allons manquer de traverse, ce n'est pas grave, nous nous servirons de vous ». Et il en fut ainsi. Le long de cette ligne de chemin de fer, sur des centaines de kilomètres, s'étend un cimetière, aujourd'hui invisible à l'œil nu. C'est seulement en parcourant la toundra, à proximité du remblai, ce qui n'est possible que pendant les deux ou trois mois de l'année sans neige, que l'on découvre ça et là de petits piquets vermoulus sur lesquels sont clouées des planchettes en bois. Si l'on y lit A81, cela veut dire qu'à cet endroit sont enterrées 1000 personnes. Ces symboles, A52, A81, étaient nécessaires aux comptables des camps pour leurs statistiques. Le nombre de morts permettait de réduire le nombre de rations de pain. Ici, l'homme ne mourait pas seulement d'une balle dans la tête. Il était aussi à la merci d'un système de torture instauré et contrôlé par le NKVD. Ici, dans le Nord, le plus grand ennemi du condamné était le froid. Je marche dans la ville de Vorkuta, sombre, glaciale, recouverte de neige. Il suffit d'aller au bout de la rue centrale pour apercevoir à l'horizon des constructions tout en longueur, plates. Ce sont les baraquements des anciens camps. Qui de ces deux vieilles femmes debout à l'arrêt de l'autobus était prisonnière? Qui était gardienne? Aujourd'hui, l'âge et le temps les réconcilient. Bientôt, la terre gelée les unira à jamais. Je patauge entre les congères. Je passe dans les rues identiques, devant de petites maisons identiques. Question. À quoi ressemblerait la résurrection des morts de Vorkuta? Est-ce que dans les rues de la ville surgiraient des colonnes de miséreux, harcelés par leurs gardes? Des ombres humaines, affamées, enveloppées dans des chiffons? Un cortège de squelettes? Nikolaï Fiodorov rêvait de les faire revenir tous à la vie. Mais à quelle vie? Dans une rue, j'aperçois une échoppe en bois. Un azéri basané vend les seules fleurs que l'on peut trouver ici, des œillets rouges. « Choisis-moi les plus belles, lui dis-je. » Il sélectionne une douzaine d'œillets qu'il enveloppe soigneusement dans du papier journal. « Je voudrais les déposer quelque part. Mais où ? » ?»« Je souhaiterais les planter dans une congère de neige, mais il y a des gens partout. » Je sens que mon geste serait maladroit. Je poursuis mon chemin. Dans la rue suivante, il y a toujours autant de monde. Les fleurs commencent à geler, elles deviennent toutes raides. Je voudrais trouver une cour déserte, mais partout il y a des enfants qui s'amusent. J'ai peur qu'ils ne prennent mes œillets et ne les emportent. Je continue d'errer dans les rues et les impasses. Dans mes mains, les fleurs sont rigides et fragiles comme le verre. Je sors de la ville et enfin, tranquille, dépose mes fleurs entre deux congères de glace. Des extraits de Imperium de Richard Kapuscinski. Pour en revenir un peu à votre carrière, vous m'avez expliqué que vous avez donc été étudiant en histoire, que vous auriez pu être un historien qui travaille dans des archives, et vous avez choisi d'être plutôt un historien du temps présent, un historien de la décolonisation et de ces phénomènes de diversification du monde que vous avez observés au cours de votre vie. Et effectivement, ce qui est frappant quand on est chez vous, c'est qu'on est dans l'univers d'un universitaire. Il y a autant de livres et plutôt davantage que ce qu'on voit généralement chez un universitaire. Alors, quelle est la part dans votre méthode, quelle est la part du travail de recherche sur archives et de la collection de faits sur place auprès des acteurs? Jeżeli chodzi o moje pisanie, to ono się składa, to ono ma trzy źródła. Quant à mon écriture, elle a trois sources. Elle se compose de trois éléments. Pierwszym elementem jest przed podróżą. Le premier élément est de faire avant le voyage, dans la mesure du possible, le plus grand nombre de lectures. Czytać, studiować, przygotowywać się. Lire, étudier, se préparer. Dans notre métier, ce n'est pas toujours possible. Lorsqu'il faut partir précipitamment. Mais lorsque c'est possible, je m'efforce de m'y préparer beaucoup, surtout à travers la lecture. Parce qu'on a déjà beaucoup décrit le monde, et cela n'a pas de sens de répéter la même chose. Le texte en perd sa valeur. Si une chose a déjà été écrite, à quoi bon l'écrire encore une fois? Il faut donc être au courant de ce qui a été écrit pour ne pas redécouvrir subitement l'Amérique, alors qu'elle a été découverte depuis longtemps. Ainsi, la lecture est très importante. Par ailleurs, la lecture est importante aussi, car dans le style d'écriture, c'est le caractère polémique qui compte. En écrivant, nous polémiquons toujours avec quelque chose, n'est-ce pas? Un tel a décrit une ville de telle manière, mais nous trouvons que cette ville a un aspect différent, et nous écrivons à ce sujet de manière polémique, sans même le dire. Mais cela confère à la prose son caractère dynamique, sa consistance et sa force. Donc la lecture en grande quantité est très importante. La deuxième source, c'est le voyage lui-même. Et le voyage, ce n'est pas ce que l'on imagine à tort, car les gens voyagent généralement en touriste, et par conséquent, s'imaginent que le voyage d'un reporter, c'est plus ou moins le même type de voyage. Non. Le voyage d'un reporter est un voyage nécessitant un travail énorme, une concentration énorme, une attention énorme. Parce qu'en tant que reporter, je dois être conscient du fait que souvent, je visite des lieux une seule fois dans ma vie, et je n'y demeure qu'un instant. La plupart des gens que je rencontre sur mon chemin, je les rencontre une seule fois dans ma vie. Je ne les reverrai jamais plus. Ils ne m'apprendront plus jamais rien. C'est pourquoi chaque départ, tout voyage est une période où j'absorbe les instants. Très concentré, sachant qu'il s'agit d'un instant unique. Chaque situation rencontrée en chemin, chaque homme rencontré est un phénomène unique. Ma source d'information. Résumons. La première chose, c'est la lecture. La deuxième, c'est le voyage. Et la troisième source de mon écriture est ma propre réflexion. Parce que ces lectures et ces rencontres suscitent des commentaires, des observations et des opinions qui me sont propres. Et c'est seulement la combinaison de ces trois sources qui composent mon texte et mes livres. Et c'est toujours comme cela que je vois mon écriture. Comme un assemblage indissoluble de ces trois parties. Si l'une d'elles manquait, mon écriture serait impossible. À Kigali, le 6 avril 1994, des personnes non identifiées abattent d'une roquette un avion prêt à atterrir. À son bord se trouvait le président Habyarimana, qui, de retour de l'étranger, est marqué du sceau de l'infamie pour avoir signé un compromis avec l'ennemi. C'est le signal de départ du massacre des opposants au régime, Tutsi avant tout, mais Hutu pour nombre d'entre eux. Dirigé par le régime, le massacre d'une population sans armes dure 3 mois, jusqu'à ce que les troupes du FPR maîtrisent le pays tout entier, contraignant l'adversaire à s'enfuir. Le nombre des victimes varie selon les sources. Certains avancent un total d'un demi-million, d'autres de 1 million. On ne pourra jamais l'évaluer avec précision. Le plus effroyable, c'est que des hommes hier innocents ont assassiné d'autres hommes totalement innocents, sans raison aucune, inutilement. Mais il suffit d'un innocent pour témoigner de la présence du diable, et on peut dire qu'au printemps 1994, le diable est passé au Rwanda. Un demi-million ou 1 million de morts, c'est évidemment tragique et énorme. Cependant, compte tenu de la force de frappe de l'armée de Habyarimana, ses hélicoptères, ses mitrailleuses lourdes, son artillerie et ses tanks, 3 mois de bombardement systématique auraient dû faire un nombre de victimes beaucoup plus important. Cela n'a pourtant pas été le cas. La majorité n'a pas péri sous les bombes ni les balles des mitrailleuses, mais a été déchiquetée ou abattue avec les armes les plus primitives, des machettes, des marteaux, des pics et des bâtons. Les dirigeants tenaient certes à réaliser leur objectif, la solution finale. Mais la manière d'atteindre ce but était tout aussi importante. Il fallait que la voie de l'idéal suprême, consistant en l'extermination d'un peuple, implique une communauté criminelle, que la participation massive au crime fasse émerger un sentiment de culpabilité fédérateur. Désormais, chaque individu ayant sur la conscience une mort sait qu'il est à la merci de l'implacable loi du talion, à travers laquelle il voit le spectre de sa propre mort. Dans les systèmes hitlériens et staliniens, la mort était donnée par des bourreaux œuvrant pour le compte d'organes spécialisés, les SS ou le NKVD. Le crime était le fait de formations spéciales agissant dans des lieux secrets. Au Rwanda, le système fait de sorte que la mort soit donnée par chacun, afin que le crime devienne une œuvre collective, populaire et déchaînée. Une œuvre dans laquelle toutes les mains trempent. Une œuvre faisant couler le sang d'innocents considérés par le régime comme des ennemis. Plus tard, terrorisés et vaincus, les Hutus ont fui au Zaïre et arrivés là-bas se sont mis à errer, portant sur leur tête leurs misérables biens. En regardant à la télévision ces colonnes interminables, les Européens ne pouvaient comprendre ce qui poussait ces vagabonds exténués à marcher ainsi, à avancer sans cesse, en bataillon disciplinaire, sans halte ni repos, sans manger ni boire, sans parler ni sourire, humblement, docilement, le regard vide. Ils ne pouvaient comprendre ce qui forçait ces squelettes à parcourir leur effroyable et douloureux chemin de croix. Votre prochain livre, Richard Kapuscinski, vous voulez le consacrer à Hérodote. Alors vous m'avez dit tout à l'heure hors micro que Hérodote était votre modèle, votre source d'inspiration. Pourquoi cet intérêt pour un historien de l'Antiquité chez un grand reporter ? Tak, dla mnie Herodot, ja z Herodotem spotkałem się jeszcze z Herodotem, z książką Herodota na studiach, ale zawsze ta idea. Oui, j'ai rencontré Hérodote. Enfin, le livre d'Hérodote, déjà pendant mes années universitaires. Mais cette idée m'accompagne depuis des années, et souvent j'emportais pendant mes voyages l'histoire d'Hérodote. C'est pourquoi mon livre s'intitulera « Voyage avec Hérodote », parce que sa manière d'écrire m'est très proche. Je ne cherche pas à savoir s'il était un historien exact ou pas, parce que je ne suis pas en mesure de le juger. Et même les spécialistes de l'Antiquité ne sont pas en mesure de le juger. Ce qui m'intéresse, c'est sa méthode de travail, sa vision du monde et son humanisme profond. Ce sont 3 éléments extrêmement importants pour moi. Je m'intéresse à sa manière de travailler. Il travaillait ainsi. Il avait des choses à lire, il pouvait lire Homère, il pouvait lire Hésiode, il pouvait lire Thalès de Millet, il pouvait lire Sophocle. Mais ce n'était qu'une partie de ses sources. La deuxième partie importante, c'était ses voyages. Il voyageait pour rencontrer les gens et pour les questionner. Il travaillait comme nous travaillons encore aujourd'hui. 25 siècles plus tard, nous travaillons de la même façon. Pour rassembler la documentation, nous partons en voyage, nous partons pour rencontrer les gens, pour discuter avec eux, pour apprendre des choses et pour écouter leurs opinions. Et paradoxalement, cette méthode de travail n'a pas subi de changement pendant 2500 ans. Cette méthode de travail qu'utilisait Hérodote. C'est pourquoi je considère qu'il est le créateur du reportage, le créateur de ce genre. Moi-même, je suis très attaché au reportage. C'est à mes yeux une grande discipline et j'ai pratiqué toute ma vie. Ce fut le premier trait caractéristique d'Hérodote et de son métier d'écrivain. Aller vers les autres, les écouter. Son deuxième trait caractéristique fut d'être le premier mondialiste. Ce fut le premier homme qui s'efforçait de décrire le monde entier, tel qu'il était connu à son époque. Il était persuadé qu'on ne peut pas comprendre sa propre culture, en l'occurrence la culture grecque, sans connaître les autres cultures, et que notre propre culture se reflète dans ces autres cultures, comme dans un miroir. C'est seulement en observant les autres cultures que nous pouvons comprendre la nôtre. C'était la deuxième marque d'Hérodote. Mais il existe un troisième trait de l'écriture d'Hérodote, extrêmement important. Hérodote écrit sur la guerre, qui est son sujet principal. La guerre gréco-perse. Cependant, quand il écrit sur la guerre, il le fait d'une manière humaniste. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de mot ennemi, il n'y a pas de mot tuer, il n'y a pas de mot détruire. Il tâche de comprendre les deux parties, et il le dit dans la première phrase de son livre. Je veux comprendre les raisons pour lesquelles ces gens se combattaient. Quelle était la base de ce conflit ? Il s'efforce de comprendre les deux parties, comprendre quelles étaient les raisons des Perses et celles des Grecs. Il dit constamment, « Je ne peux pas juger, je vous présente les résultats de mes recherches. » Ainsi commence son grand livre. Je vous présente les résultats de mes recherches. Jugez-en vous-même. Et pour ces trois raisons, je considère que dans le monde actuel, c'est un moment très important pour transmettre ces trois grands messages que nous a laissés Hérodote. C'est en arpentant les ruelles de la vieille Moscou que j'ai cru comprendre le sens de la Révolution d'octobre, le grand événement du XXe siècle qui, comme chacun le sait, bouleversa le cours de l'humanité. Plus précisément, c'est en regardant le rez-de-chaussée de ces maisons et de ces petits immeubles construits jadis pour abriter des boutiques, des ateliers, des auberges et des troquets. La clé de l'énigme se trouve dans ces vitrines, ces escaliers, ces portes à tambour et ces intérieurs spacieux. C'est ici que battait le cœur de la vieille ville marchande, animée et active. Ces quartiers grouillaient de monde. Ils étaient colorés, bruyants, encombrés et exotiques. Marchant aujourd'hui dans ces rues désormais désertes et mortes, je regarde machinalement les vitrines. On n'y voit que des bureaux. Ni comptoirs, ni étagères, ni produits coloniaux, ni soieries. Seulement des bureaux. Moches, serrés les uns contre les autres, entassés, presque empilés les uns sur les autres, comme des chalets dans une caserne. Et derrière tout cela, que de discussions, de délibérations, de réflexions fondamentales pour trouver un moyen de caser un bureau de plus. Et sur ces bureaux, que l'on peut voir par les vitrines, des tas de questionnaires et de formulaires, sans oublier les inévitables verres de thé. L'astuce se manifeste bien souvent dans les choses les plus simples. Ma promenade dans ces ruelles vient confirmer cette vérité. La manœuvre qui permit aux bolcheviks de vaincre consista à expulser et exproprier les marchands, hommes indépendants guidés par la loi du marché, et d'installer dans leurs boutiques des fonctionnaires, humbles et dociles instruments du pouvoir. L'homme derrière un comptoir fut remplacé par l'homme derrière un bureau. La révolution avait triomphé. Il y a beaucoup de grands écrivains voyageurs parmi les Polonais. On connaît évidemment Malinowski, mais il y en a beaucoup d'autres. Ouvrir les yeux sur d'autres cultures afin de mieux comprendre la sienne propre, ce n'est pas si commun. La plupart des autres cultures se croient si supérieures, si achevées, qu'elles jugent généralement superflu de se juger elles-mêmes et leurs réussites ou leurs échecs à l'aide des standards d'évaluation extérieurs. Qu'en pensez-vous, Richard Kapuściński? Myślę, że jedną z przyczyn było, to oczywiście było szereg przyczyn do tego faktu. Bien sûr, il y a de nombreuses raisons à cela. Effectivement, il y avait beaucoup de voyageurs polonais, et pas seulement des voyageurs. Il y avait beaucoup d'anthropologues polonais, et par exemple beaucoup de missionnaires qui se sont consacrés à étudier et à décrire d'autres civilisations. Mais je dois dire qu'en France aussi, il y avait beaucoup d'excellents anthropologues, et les merveilleuses écoles françaises d'anthropologie qui m'ont beaucoup appris. Je crois que dans le cas des Polonais, il y avait deux raisons essentielles. La première, c'est qu'au XIXe siècle, ce siècle essentiel lorsque se formaient les États et les nations, nous n'avions pas d'État. La Pologne était à cette époque une colonie de trois puissances européennes de l'époque, à savoir la Russie, l'Autriche et la Prusse. Pour cette raison, nous ne pouvions pas éprouver le sentiment de grande puissance d'État, parce que tout simplement, nous n'existions pas en tant qu'État. Cela enseignait aux gens une plus grande humilité, un plus grand respect des autres. Et le sentiment que dans cette situation de dépendance qui était le lot de la plupart des habitants de notre planète, nous étions aussi un peuple dépendant. Nous faisions aussi partie de cette famille des dépendants. Ce fut l'une des raisons. La deuxième raison, c'est le fait que nous étions toujours une nation d'émigrés, que nous avons une immense diaspora. N'oublions pas qu'un quart de la nation polonaise vit à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Amérique latine. Partout là-bas existent d'énormes colonies polonaises. Par la force des choses, cela nous ouvrait aux autres cultures, sur d'autres contacts, sur d'autres conditions de vie, d'autres langues. J'estime qu'il y avait aussi une troisième raison. La situation traditionnelle de la Pologne, qui se trouve sur un carrefour, sur cette grande bande où l'Europe rejoint l'Asie et où l'Europe rejoint le Proche-Orient. C'était un territoire où se mêlaient de très fortes influences turques, russes, allemandes et françaises. La culture polonaise était très forte au XVIIIe et XIXe siècle. Sans compter les influences latines, c'est-à-dire italiennes. C'était un lieu où ces cultures se rencontraient, où elles se comparaient en quelque sorte. Moi, par exemple, je suis originaire d'une ville qui s'appelle Pinsk et qui fut une ville traditionnellement polonaise. Maintenant, elle fait partie du Bélarus. Et je me rends compte aujourd'hui que dans cette ville de Pinsk, en tant qu'enfant, nous jouions dans la même cour. Polonais, juifs, russes, lituaniens, arméniens. Et pour moi, ce fut tout à fait naturel. Ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise que c'était une cour de récréation internationale. À l'époque, quand j'étais enfant, je n'avais pas le sentiment de quelque chose de différent ou d'anormal. Je crois que tous ces éléments ont fait que notre intelligentsia a une relative facilité de contact avec les autres et le désir de les connaître ou de les comprendre. Richard Kapuscinski, vous êtes connu en France maintenant pour vos livres Imperium et Ébène en particulier, mais en Pologne, vous êtes aussi très connu pour vos essais sur le temps présent que vous publiez régulièrement sous le titre générique de Lapidarium. Or, le Lapidarium numéro 5 vient de paraître à Varsovie en polonais et la presse dit que la tonalité en est assez pessimiste. Entre autres, vous relevez que les grandes espérances qui avaient soulevé le printemps des peuples de l'Europe de l'Est en 1989 sont drôlement retombées, que le rêve de démocratie planétaire, de bien-être universel, de paix mondiale, dont l'Europe réunifiée aurait été le cœur, tous ces rêves sont maintenant derrière nous. Alors quels sont les éléments qui, d'après vous, ont abouti à ce relatif sentiment d'un échec de l'Europe ? Richard Kapuscinski. Je pense que la raison majeure est ce que nous constatons d'aujourd'hui, à savoir que nous avons tous apprécié incorrectement la fin de la guerre froide. Nous avons considéré la fin de la guerre froide comme la fin de l'histoire. La guerre froide est terminée, donc les conflits sont terminés. Que les drames sont terminés et que les problèmes sont terminés. C'était l'annonce dans le toujours célèbre essai de Fukuyama. Puisque l'histoire est finie, elle fut remplacée par deux philosophies. L'une, c'était la philosophie de consumérisme, et l'autre, la philosophie des loisirs. Puisque la guerre froide est terminée, nous pouvons pratiquer le consumérisme. Nous pouvons avoir de l'entertainment, n'est-ce pas? Le célèbre livre de Potsdam, S'amuser à mort. Cette situation a duré 10 ans environ. Et s'est terminée le 11 septembre 2001 par l'attaque contre le World Trade Center à New York. Ce qui fut commenté par un brillant politologue américain. Krauthammer, par le constat que notre congé de l'histoire est terminé. Il y avait 10 ans de congé de l'histoire, et désormais nous revenons vers ce drame qu'est l'histoire. Je crois que c'est une appréciation très juste de la situation. Nous n'avons simplement pas tiré tous les enseignements, ni toutes les conclusions. Nous avons jugé que la guerre froide était une telle contrainte, un tel poids et un tel drame pour l'humanité, que s'ensuivit un sentiment de grand soulagement. Cependant, les sociétés qui sortaient de la guerre froide n'étaient pas des sociétés meilleures. C'était des sociétés que la guerre froide a seulement congelées, dont elle a congelé les structures. Et maintenant, ces conflits internes se sont dégelés. puisque l'existence d'un front entre l'Orient et l'Occident a congelé tous les mouvements internes, puisqu'il fallait être vigilant et prendre garde au danger d'une guerre mondiale. Alors, au moment où ce danger a disparu, on a vu apparaître tous les problèmes qui existaient à l'intérieur. Dans les pays de notre Europe centrale et orientale, il s'est avéré que nous sommes sortis de cette guerre froide en tant que des sociétés grandement démoralisées, une forte criminalité, une forte corruption, un niveau culturel bas. À cause de tout cela, ces sociétés sont rentrées dans une période très difficile. Elles étaient incapables de résoudre ces problèmes de manière simple et naturelle. Tous ces problèmes se font connaître seulement maintenant et le feront encore pendant longtemps. Une grande partie de ces sociétés est tout simplement malade. Et nous nous trouvons face à ce grand drame. Comment relever les défis du XXIe siècle, si difficiles, par les sociétés dotées d'une très faible classe politique, de très faibles institutions et qui n'ont pas de grande expérience de la démocratie. Il ne faut pas oublier que les expériences de la démocratie dans le monde contemporain sont les problèmes d'un système qui a beaucoup de défauts et beaucoup d'imperfections. Par conséquent, nous rentrons dans ce 21e siècle comme dans un siècle très difficile pour lequel nous n'avons pas de réponse toute faite. Parce que l'histoire du monde, il n'y a jamais eu de situation comme celle d'aujourd'hui. Nous n'avons pas de référence historique auxquelles se référer pour y chercher des réponses. Nous vivons dans un monde totalement nouveau, un monde globalisé, un monde très diversifié, dans un monde plein d'énormes intérêts, très contradictoires, dans un monde dépourvu de toute autorité centrale. Il n'y a pas de pouvoir central. L'unique institution centrale qui existe dans ce monde, c'est-à-dire les Nations Unies, est très bureaucratisée, très inefficace, et elle manque d'autorité. Nous vivons donc dans ce monde de 6 milliards de gens de diverses cultures, religions, races, intérêts, privés de structures hiérarchiques quelconques, de toute structure centrale. Se retrouver dans ce monde, savoir y trouver sa place, y creuser son trou, devient une chose tout à fait nouvelle et très difficile. Il faut se souvenir que pendant 500 ans, l'Europe était le continent directeur du monde. Pendant 500 ans, l'Europe dirigeait le monde, définissait les normes de conduite. Pendant 500 ans, l'Europe établissait les principes du jeu international. Actuellement a lieu la détronisation de l'Europe. C'est un moment très dramatique. Et cette détronisation de l'Europe se déroule à plusieurs niveaux. Elle a lieu sur le plan politique, du fait de la puissance croissante de l'Amérique, mais elle a également lieu au plan social. N'oublions pas que l'Europe ne représente aujourd'hui plus que 15% environ de l'humanité. Nous disons toujours « Europe, Europe ». En oubliant que nous ne sommes plus qu'une petite partie de l'humanité, que se développent de nouvelles civilisations, de nouvelles cultures et avant tout de nouvelles ambitions internationales. Nous autres, en tant qu'Europe, ne sommes pas du tout préparés à relever ces défis. Pour un Européen, c'est tellement choquant de s'entendre dire qu'il ne représente qu'un dixième des habitants de la Terre. Rien qu'un dixième. Il ne réalise pas tout cela. La classe politique n'est pas embarrassée de lui expliquer que l'Europe doit se trouver une nouvelle place sur cette planète. Après 500 ans de règne, après 5 siècles de domination du monde, c'est une si grande révolution, un si grand choc, un si grand stress, un si grand traumatisme. Qu'il est difficile de s'y retrouver et pouvoir rencontrer ce défi de manière calme, profonde, prudente. Il ne faut pas s'étonner qu'à l'intérieur de cette Europe se produisent des conflits sérieux, des tensions sérieuses. Puisque dans ce processus, chacun s'efforce de se sauver, de se trouver une nouvelle place. Et ces problèmes européens ne m'étonnent pas, puisqu'il s'agit de problèmes internes qui résultent de la nouvelle situation extérieure de l'Europe. J'ai eu un jour la visite d'un homme d'âge moyen, Angel Abba Blanche. Il s'appelait Suleiman et était originaire du nord du Nigeria. Il avait récemment travaillé chez un Italien comme gardien de nuit. Il connaissait la ruelle et ses environs. Il était réservé, ne voulait pas s'asseoir en ma présence. Il m'a demandé si je n'avais pas besoin d'un gardien de nuit puisque justement, il venait de perdre son job. Je lui ai dit que non, mais comme il m'a fait une bonne impression, je lui ai donné 5 livres. Quelques jours plus tard, il est revenu. Cette fois, il s'est assis. Je lui ai préparé du thé. Nous avons commencé à discuter. Je lui ai confié que j'étais constamment cambriolée. Suleiman a reconnu que c'était un phénomène tout à fait normal. Le vol permet, de manière regrettable certes, de niveler les inégalités. « C'est bien qu'ils me volent », a-t-il affirmé. « C'est même un geste amical de leur part. Par ce biais, ils me font savoir que je leur suis utile et qu'ils m'acceptent. » Au fond, je peux me sentir en sécurité. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé de me sentir en danger ici? J'ai avoué que non. Justement, je serai en sécurité tant que je me laisserai cambrioler, sans chercher à faire punir le coupable. Mais si je préviens la police et qu'on le poursuit, j'ai intérêt à quitter les lieux. Il est revenu au bout d'une semaine. Je lui ai offert du thé, puis il m'a dit d'un ton mystérieux qu'il m'emmènerait au Jankara Market et que nous y achèterions ce qu'il me faut. Jankara Market est un marché où les sorcières, les herboristes, les cartomanciens et les exorcistes vendent toutes sortes d'amulettes, de talismans, de baguettes et de médicaments miraculeux. Suleiman allait d'étal en étal, regarder, demander. Finalement, il m'a fait acheter à une femme un bouquet de plumes de coq blanches. C'était cher, mais je me suis laissé faire. Nous sommes revenus dans ma ruelle. Suleiman a posé les plumes à plat, les a attachés avec un fil et les a accrochés sur le haut du chambranle de ma porte. À partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais été cambriolée. Les textes de Richard Kapuscinski étaient extraits donc des livres Ebène et Imperium. Ils étaient lus pour nous par Nathalie Castera. La traduction de cet entretien avec Richard Kapuscinski était l'œuvre de Michel Lissowski et elle avait été lue par Fabien Pourcher. La réalisation de Cause Commune, c'est Daniel Finot. Ce soir, vous avez pu entendre trois compositeurs polonais de premier plan et de différentes époques, puisqu'il s'agissait pour le plus ancien de Mieczysław Karłowicz. Et le morceau que nous vous avons passé, c'était ces sons éternels, ces chants éternels, l'opus 10. On avait également le grand compositeur de musique de film polonaise Zbigniew Preissner pour ses 10 Easy Pieces for Piano, et oui, en anglais. Et puis, bien sûr, vous reconnaissez la fameuse symphonie numéro 3 d'Henryk Górecki, qui a été extrêmement populaire. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 24 juillet 2003 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.